ton équipe à terre, on a les meilleures affaires. On met ton équipe à terre, on a les meilleures affaires dans le ghetto. Tu trouveras des missionnaires, tu trouveras des petits gratteurs qui se lèvent tôt. Même quand y'a pas de salaire, on partage, y'a pas de galère dans le ghetto. Dans la boîte de nuit, c'est nous qui mettons le frigo. Tout qui a tourné très vite, perdu dans la musique. C'est comme sauter dans le vide, où je sais plus quoi faire de ma vie. Et y'a tout qui va changer, c'est pas tout le monde qui va manger. Ça t'allume pour 200 G, ta mère ça la fait chanter. Je roule près du bâtiment, c'est de l'or mes sentiments. Frère du même sang, on l'est quasiment. Si je mange, toi tu vas manger, je suis dans ma zone, bébé. Et j'ai trop d'appels manqués, j'ai plus de réseau. J'étais pété comme un teubé, ouais, ouais. On met ton équipe à terre, on a les meilleures affaires dans le ghetto. Tu trouveras des missionnaires, tu trouveras des petits gratteurs qui se lèvent tôt. Même quand y'a pas de salaire, on partage, y'a pas de galère dans le ghetto. Dans la boîte de nuit, c'est nous qui mettons le frigo. J'en ai vu qui avaient encore la dalle une fois à terre. D'autres qui se plaignaient parce qu'ils sont encore célibataires. Mental du quartier gros, on dépouille tes amigos. Viens danser conmigo, après tu me laisses ton bigot. Quel âge réseau bédo. Tous les jours, je suis dans le zoo. Bagarre, c'est l'opélo. Ça dort même plus à la maison. Quel âge réseau bédo. Tous les jours, je suis dans le zoo. Bagarre, c'est l'opélo. Ça dort même plus à la maison. On met ton équipe à terre. On a les meilleures affaires dans le ghetto. Tu trouveras des missionnaires. Tu trouveras des petits gratteurs qui se lèvent tôt. Même quand y'a pas de salaire. On partage, y'a pas de galère dans le ghetto. Dans la boîte de nuit, c'est nous qui mettons le fuego. On met ton équipe à terre, on a les meilleures affaires dans le ghetto. On met ton équipe à terre, on a les meilleures affaires dans le ghetto. Tu trouveras des missionnaires, tu trouveras des petits gratteurs qui se lèvent tôt. Même quand y'a pas de salaire, on partage, y'a pas de galère dans le ghetto. Dans la boîte de nuit, c'est nous qui mettons le fuego.